Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts Outsider. Aujourd'hui, c'est un podcast créativité consacré à trois sujets hein, bon, qui sont très imbriqués: l'artisanat d'art, le do-it-yourself et l'indépendance, l'indépendance en créativité. Donc, pour défricher ces sujets, j'ai avec moi deux chroniqueurs, Alice, bonjour Alice, Bonjour. et donc Laurie. Bonjour Thomas. Voilà, Laurie, tu commences à être un habitué des podcasts Outsider. Hein. Je crois que c'est toi qui as fait le plus d'apparitions. On est toujours heureux de t'avoir avec nous. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu bah, pour que vous expliquiez, entre guillemets, bah, pourquoi vous avez des choses à dire sur le sujet. Peut-être Alice, si tu peux nous dire deux mots sur toi. Alors, je fais de la couture et de la broderie depuis presque 2 ans et demi, et depuis 1 an, je tiens un blog hein, qui s'appelle La fleur et le fil. Voilà. D'accord, bah qu'on mettra en lien hein, sur le podcast si tu veux bien. Oh, pas de problème. À toi, Laurie. Eh bien, joueur de jeu de rôle et membre des ateliers imaginaires, un petit peu converti pour essayer de faire un premier jeu de rôle et en indépendant. Ok, super. Donc, je vous rappelle comme toujours, le podcast est découpé en trois parties. Hein. Tout d'abord les expériences personnelles, ensuite les concepts, et puis pour finir la liste au Père Noël. Donc, pour les expériences personnelles, Alice va d'abord nous parler de bah, son expérience justement en couture, en broderie. Laurie, des réflexions qui l'ont amené à fabriquer finalement son livre lui-même. Et puis moi-même, je vais faire un retour d'expérience assez large qui va porter sur les trois sujets à la fois. Donc Alice, si tu veux bien, donc tu vas nous parler justement de ton expérience personnelle dans la couture et puis dans la broderie. Ouais. Alors, je tiens à préciser que là, pour la broderie, moi, je ne fais que de la broderie à la main et pas du tout de broderie machine. Donc, ça, c'est assez important pour moi et donc ça, c'est vraiment le côté artisanal qui prévaut chez moi. Alors, pour revenir sur mon expérience personnelle, je vais d'abord vous parler de comment j'y suis venue parce que c'est assez important pour moi, c'est-à-dire que j'avais fait de la broderie quand j'étais toute petite parce que ma mère faisait de la couture et de la broderie, du coup je me suis mise à en faire aussi un petit peu et j'ai complètement laissé ça de côté pendant très longtemps. Et à 2 ans et demi, quand je préparais le concours de l'agrégation pour devenir prof, il y a eu un moment où j'en ai eu marre des ordinateurs, marre des écrans, des livres, etc. Et j'ai ressorti mon matériel de broderie. Et depuis, je ne m'a... Et depuis, bah, j'ai pas arrêté. Enfin, pas encore. Et en fait, ce que je trouve assez important, enfin, en tout cas pour moi, dans la couture et la broderie, c'est l'aspect très concret. Comment dire, on manipule vraiment la matière, il n'y a pas du tout de rapport avec le virtuel, les écrans, tout ça, tout ça. Parce que avant de faire de la couture et de la broderie, je faisais un peu de photos et je passais des heures et des heures à retoucher mes photos sur l'ordinateur. Et un jour, je me suis rendu compte que, en fait, ce que je faisais, je passais beaucoup de temps dessus, mais je ne pouvais pas le tenir dans mes mains. Du coup, je suis passée complètement à autre chose. Et du coup, j'en suis très très contente. Du coup, ça me permet de créer pas mal de choses. Alors, jusque-là, j'ai surtout fait des cadeaux. Quasiment toutes mes créations sont parties chez des personnes. Donc, ce sont soit des cadeaux de naissance pour des enfants. Soit des cadeaux pour des amis. Et là, mon expérience sur l'artisanat, sur cette forme d'artisanat, c'est que je crée avant tout pour quelqu'un en particulier. Et là, j'ai un exemple qui est assez parlant, c'est que depuis 3 ans, tous les ans, j'offre à une amie une paire de guêtres maison et chaque année elle est différente. Et chaque année je fais un effort faire quelque chose de complètement nouveau pour elle. Et ces guêtres-là, elles sont faites sur mesure. Vraiment, j'ai pris ces mensurations et tout. Je les ai essayées sur elle. Bref, c'est vraiment fait pour elle. Et c'est ça que j'adore, c'est que je me fais plaisir en les faisant. Et je sais que ça va lui faire très plaisir aussi. Voilà. Voilà pour ma petite expérience de mon côté en tant que couturière et brodeuse amateur. Alors, moi, si tu veux bien, Alice, j'avais deux, trois questions. Oui. En fait, la principale, c'est quels sont tes projets justement pour cette activité plus tard, quoi? Alors, plusieurs choses. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que au départ, je faisais de la couture pour faire des costumes. Donc, soit du med, soit du steampunk. Ça me prenait beaucoup trop de temps et donc je suis un peu passée à autre chose. Mais là, je compte faire ma garde-robe perso pour ne plus rien avoir à acheter dans le commerce. Enfin, ça, c'est l'objectif idéal. Je verrai si je peux l'atteindre. Mais voilà, me faire des pièces un peu pour moi. Et puis j'aimerais aussi explorer un peu ce qu'on appelle la broderie créative. Là, c'est un peu faire des panneaux ou des espèces de tableaux complètement, donc avec des fibres textiles, etc. Enfin, faire des tableaux textiles. Donc, je sais pas trop où ça va me mener. J'ai des idées. J'ai pas encore fait les premiers tests, mais voilà. Là, les projets que j'ai en ce moment, c'est faire des pièces à porter au quotidien et faire des tableaux un peu plus abstraits. J'ai des thématiques en tête, notamment des thématiques liées au jeu de rôle auquel je joue. Tu peux développer, s'il te plaît? Alors, pour le tableau, les tableaux brodés? Ah oui, je trouve que c'est assez intéressant, ça peut intéresser les gens, c'est quand même assez original. Je connaissais pas, à vrai dire, avant de parcourir la fleur et le fil. Alors ça fait un certain temps, par exemple, que je joue au jeu de Romaric Briand, la Sens Hexalogie. Et au fur et à mesure que je jouais, là, j'ai eu des idées de mettre en image un petit peu par exemple dans le jeu il y a un symbole qui revient souvent qui s'appelle le cadran, donc c'est un carré avec les diagonales et je me disais que je pouvais imaginer utiliser ce petit symbole et le mettre en scène pour représenter chaque grand personnage du jeu ou bien faire des tableaux abstraits pour faire allusion au lieu qu'on traverse en tant que personnage, ouais. Donc voilà, enfin ça m'est venu en tête il y a déjà un petit moment, c'est en train de mûrir tranquillement dans ma tête, j'ai déjà pas mal d'idées. Et puis cette idée-là en fait m'est venue surtout au moment où j'ai décidé de faire le costume de mon personnage à moi dans Sens Hexalogie. C'était un petit défi que je me suis lancé et ma MJ m'a complètement suivi là-dedans. Donc voilà, puis après je me suis dit tiens mais on pourrait appliquer ça aux autres jeux de rôle que je fais, par exemple le livre des 5 anneaux, il y a du potentiel visuel à exploiter. Ça c'est sûr. Ce que j'ai l'impression de constater, c'est que il y a une sorte de revival de tous les pratiques textiles, ouais. La couture, la broderie, puis bon, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Et j'ai l'impression, en fait, moi j'avais un petit peu un cliché, entre guillemets, que c'était un loisir, un loisir ou une activité qu'on faisait, qui avait disparu en fait, qui avait disparu avec le textile industriel et qui était du coup a été réservé, entre guillemets, aux grands-mères, quoi. Et puis, j'ai vu de plus en plus de personnes dans mon entourage commencer à en faire. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir dans ce revival-là de tous les arts textiles, que du coup, c'est vachement moderne en fait, puisque chacun ou chacune en fait quelque chose de personnel, quoi. Et donc, bah, pendant ce que tu quand tu parles de faire de la couture dans le thème steampunk ou des tableaux textiles liés à un jeu de rôle, bon, c'est assez moderne, quoi. C'est intéressant de voir que c'est bah, comme tout art, en fait, c'est un art qui évolue et qui reste personnel, qui est pas qui vit avec son temps, quoi. Je trouve ça intéressant. Oui, alors en plus, là, pour revenir sur sur ta remarque que c'était une activité de grand-mère, en fait, j'en ai discuté avec pas mal de gens qui, effectivement, m'ont dit que ils associaient ça plutôt à quelque chose de désuet, etc., que c'était réservé à des gens d'un certain âge. Mais en fait, enfin, on avait mis ça en lien avec le fait que à un certain moment, effectivement, la couture, la broderie, tout ça, c'était lié à une image un petit peu passéiste de cette activité qui était estampillée féminine, et du coup, c'était un peu tombé en désuétude. Là, c'est en train de revenir. Ben, la preuve, c'est que M6 a fait une émission qui s'appelle Cousu Main. Ça montre que là, c'est devenu une vraie mode, et effectivement, tout le monde peut se l'approprier de façon personnelle. Et là, j'ai un exemple en tête. Là, ça m'est arrivé cette semaine. Dans le collège où je travaille, j'anime un atelier de broderie. Et à un moment, je suis allée enfin, comment dire, j'ai amené ma broderie donc à l'aide au devoir, où il y avait des petits collégiens, donc 6e, 5e, etc. Bon, pas toujours des bons élèves, pas toujours des gens a priori intéressés par la broderie. Et en fait, ben, je me suis retrouvée avec que des garçons autour de la table qui essayaient de patiemment de faire leur petit point de croix. Et en fait, ces enfants-là, comme ils n'avaient aucun a priori sur l'activité en elle-même, eh ben, ça les gênait absolument pas de faire du point de croix. Donc voilà, je crois qu'il y a un truc Ouais, quand tu veux même. dire que notre génération, moi par exemple, j'ai 33 ans, hein, on a vu nos grands-mères en fait pratiquer cette activité et tout, donc on a un a priori justement de dire que c'est un loisir de personnes âgées et puis entre guillemets de femmes quoi, un loisir ou une activité parce que j'aime pas trop le terme loisir. Mais en fait, c'est vrai que la nouvelle génération, eux, quelque part, ils n'ont pas été témoins de leurs aînés faisant cette activité. Et du coup, c'est devenu quelque chose de plus neutre sur laquelle ils peuvent plus facilement se projeter, quoi. C'est ça. Il y a aussi le fait que, enfin, moi, j'ai pas vu. C'est pas ma grand-mère qui faisait de la couture, c'était ma mère. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas du tout quelque chose de désuet ou quoi que ce soit. Pour moi, ça faisait partie de mon environnement depuis un certain temps. Ah oui, puis de toute façon, je parle là uniquement de préjugés, hein, parce que si t'en es Oui, là, bien sûr. écrire un roman, c'est ultra désuet, ça se fait depuis des siècles, alors pourquoi continuer à en faire, quoi? Et ce que je constate aussi, peut-être, c'est que, on va dire qu'avant, il y a 20, 30, 40 ans, 50 ans, c'était une activité aussi qui pouvait être faite par obligation, c'est-à-dire que avant l'apparition de l'industrie textile de masse, eh bien en fait les habits c'était pas quelque chose qui était abordable et bon la plupart des gens s'ils voulaient entre guillemets améliorer leur habillement ils étaient obligés de mettre la main à la pâte, tandis que bon, bah, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais la différence, je pense, c'est que ceux qui pratiquent l'activité aujourd'hui, c'est davantage des passionnés, quoi. Ils le font plus par passion que par obligation. Complètement. Thomas? Complètement. Hilary. Pour revenir sur cette remarque par rapport au coût, Dans le milieu du jeu grandeur nature ou du cosplay, il y a beaucoup de personnes qui finalement choisissent de faire eux-mêmes leur tenue parce que ça revient beaucoup moins cher que de l'acheter aussi. Et le grandeur nature et le cosplay, c'est quand même très éloigné de la couture grand-mère qu'on peut associer. Ouais, tout à fait, mais c'est vrai que c'est un, comme tu as raison de souligner que c'est un milieu qui compte pas mal de couturiers et de couturières, hein, bah, comme d'ailleurs, il me semble que tu t'avais fait des costumes de cosplay, Alice. C'était pas du cosplay, j'ai jamais reproduit un personnage. Enfin, c'était des créations personnelles, mais bon, Autant c'est pour une moi, branche ouais. du cosplay aussi. Enfin, c'est une Ouais, branche oui. du cosplay aussi, donc ça marche. Mais je voulais revenir là sur cette histoire de coût, parce que c'est aussi un aspect qu'on peut souligner. En fait, pour la couture et la broderie, ça peut revenir cher. Ça peut, faut, c'est, ça dépend en fait des matières premières. Les matières premières peuvent coûter cher. Je sais que par exemple, il y a des cosplayers qui vont. Enfin, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais il y a des cosplayers qui vont vouloir utiliser de la très très bonne qualité. Et donc forcément, ça va leur revenir plus cher. Mais en même temps, ce sera de la qualité et quelque chose qui va durer. C'est pas comme les espèces de les cosplays en synthétique que parfois on trouve sur les stands de la Japan Expo par exemple. Et alors après bon ça va coûter moins cher peut-être au niveau pour les matières premières et encore, mais ça va coûter cher en temps. Et là c'est du temps investi, ça peut être très très très long. Par exemple, le costume dont je parlais tout à l'heure, de faire mon personnage dans Sens Hexalogie, alors j'ai laissé ce projet de côté parce qu'il est très très long. J'ai juste fini en fait la base d'une veste et avec tout le travail de matière qu'il y a derrière, parce que je devais créer certains effets visuels. J'en suis déjà, juste pour une base de veste, j'en suis déjà à quelque chose comme entre 50 et 60 heures de travail. Donc voilà, c'est le coût n'est pas le même, on va dire ça comme ça. Oui, en effet, ouais. Donc là, du coup, c'est la passion qui parle, quoi, et qui justifie l'investissement, quoi. Complètement. J'aurais une dernière question, si tu veux bien. Oui. J'avais lu sur ton blog que tu avais déjà fait un travail sur commande. Enfin, c'est-à-dire que c'était un cadeau, mais la personne t'avait décrit ce qu'elle voulait, il me semble. Et Ouais. que au terme de cette expérience, tu avais conclu que tu n'en ferais plus. Alors, en fait, à la base, on avait discuté justement de ce cadeau parce que j'avais dit donc à cette personne, je lui avais donné le jour de son anniversaire, je lui avais donné une carte avec marqué bon pour une création maison. Voilà. Et donc on en avait discuté, on s'était mis d'accord. Et au moment de le faire, etc., je l'avais absolument pas senti comme ça. Donc j'ai complètement fait autre chose avec son accord. Je lui ai d'abord demandé, bon, est-ce que ça te dérangerait que je fasse autre chose? Elle m'avait dit que c'était bon et qu'elle me faisait confiance. Du coup, j'ai fait à mon idée. Et là, elle a été très contente. Ce qui me fait dire qu'en fait, bon ben, les commandes, c'est peut-être pas pour moi, en tout cas pour l'instant. Là, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de faire des réalisations qui me plaisent. Et bon ben, faut bien le dire quand même, les réalisations, ça se fait sur l'inspiration du moment, souvent. Ouais, t'as besoin d'une certaine liberté créatrice pour pouvoir t'exprimer et pour pouvoir travailler, quoi. Oui, mais c'est aussi, enfin, là il y a, alors attends, comment je vais m'exprimer? Il y a surtout le fait que, ben, entre le moment où on avait décidé, on s'était mis d'accord, et le moment où je m'y suis mise, il s'est déroulé un certain temps, et là j'avais changé d'idée. Et comme je l'expliquais dans mon article sur le blog, en fait, j'ai changé d'idée et j'ai changé d'idée parce que si j'ai eu une opportunité, c'est-à-dire que j'avais trouvé un nouveau motif, etc., un nouveau motif qui m'avait beaucoup plus inspiré que ce qu'on avait décidé. Donc voilà, ça dépend vraiment, ça dépend aussi d'un état d'esprit sur le moment. Et là, par exemple, ben, le costume sur lequel j'ai déjà passé un certain nombre d'heures, ben, je l'ai laissé de côté parce que voilà, je suis pas dans dans l'état d'esprit qui fait que que je vais mettre à fond pour continuer. Je pense y revenir à un moment, mais je ne sais pas quand. Ouais, tu préfères sauter d'une réalisation à l'autre pour regarder au fil de l'inspiration et de l'énergie, quoi. C'est ça. Alice, sauf si, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur le sujet, on va peut-être passer à Laurie. J'aurais une question, moi. Ouais. Enfin, une remarque par rapport à Alice. Moi, j'ai une expérience par rapport à ça. J'ai fait faire auprès d'une couturière, lors de mon mariage, la robe de mariée et ma tenue. Et donc, c'était une création à personnaliser dont tu fais référence sur mesure et bah pas un truc du commerce quoi. On a fait quelque chose de on a pu faire quelque chose d'original qu'on n'aurait pas pu trouver dans le commerce et ça reste enfin j'imagine que tout le monde se dit ouais c'est ma robe de mariée j'y tiens mais nous, c'est vraiment notre tenue de mariée parce qu'on sait qu'il n'y en existe pas deux, des comme ça. Et on est très content d'avoir fait comme ça. Alors, en même temps, sa tenue, enfin, faire faire une pièce unique, c'est vrai que ça rajoute encore quelque chose. Là, par exemple, bon, je suis en train de commencer à préparer mon propre mariage et je sais que je vais réaliser quelques éléments, bon, soit de la tenue, soit de la déco, mais je vais faire quelque chose pour le mien en tout cas. Mais c'est vrai que ça rajoute toujours quelque chose de particulier. Donc voilà, Bien. c'était juste un témoignage Hmm? pour inviter les auditeurs à éventuellement faire cette démarche-là. Ça reste quand même quelque chose une expérience agréable à faire. Alors, on reviendra plus tard sur l'expérience d'Alice sur un sujet plus approfondi hein, qui est l'apprentissage. Donc là maintenant, Laurie, tu voulais nous parler de ton expérience personnelle sur un de tes jeux de rôle, Sacrifice, dont on a déjà parlé dans le podcast Passer à l'étape supérieure. Mais bon, on n'avait pas du tout parlé du point de vue de l'artisanat ou du do-it-yourself. Donc voilà, du coup, je vais te laisser un petit peu nous expliquer. Alors, j'ai déjà parlé de pourquoi je n'ai pas pris les autres voies. J'ai envie de dire que c'est pas du tout une voie que j'ai envisagée. Enfin, vous allez voir le cheminement, en fait. Donc, pour créer un jeu de rôle, je m'étais posé la question par quel support le diffuser. Et à l'époque, sur Silent Drift, il y avait la discussion, est-ce qu'on utilise l'impression à la demande avec, par exemple, Ulu, est-ce qu'on utilise le crowdfunding, est-ce que on utilise l'imprimeur du quartier comme Romaric le faisait. Et étant donné que je n'avais aucune connaissance dans ces domaines-là, je me suis rendu compte qu'à un moment, il fallait que je me projette sur chacun de ces chemins-là. Pour voir à quoi ressemblait le produit final. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas créer mon jeu tranquillement dans mon coin, et une fois qu'il était fini, me dire quel support je vais utiliser. Et j'ai exploré les trois chemins, en fait. Et je me suis rendu compte, quand je crée mon jeu, qu'utiliser l'impression à la demande, ça me mettait des contraintes. Alors j'ai évidemment les discussions de la cellule, j'ai pas de podcast en particulier, mais c'est un sujet récurrent sur l'indépendance, où je vais où Romaric, même s'il a évolué dans son discours, défend quand même, si vous faites votre jeu tout seul, vous avez la liberté du produit fini. Et je me rendais compte que si je passais par l'impression à la demande, par exemple, ça me mettait des contraintes dans la création de mon jeu. Et que finalement, même si j'étais indépendant, je me rendais compte que le support me bloquait sur certains points. Donc j'ai laissé tomber pas mal de versions Par parce exemple, que. tu peux pas choisir ton format et t'as une Alors. liste de formats qui est finie, par exemple. Alors c'est plus que ça en fait. Dans vraiment la forme, par exemple, je vais essayer de parler des goodies. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que les goodies, c'est les trucs, on va dire, optionnels. Mais si tu veux un écran, tu peux pas l'avoir avec avec Lulu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeux où tu commandes le bouquin, et si tu veux l'écran, c'est une autre commande. Et j'avais pas envie de passer par deux fabricants différents. Je voulais que quand on achète le jeu, surtout que mes accessoires, je vais appeler ça comme ça, c'était pas des accessoires optionnels. Donc je voulais pas mentir aux acheteurs en disant vous pouvez acheter le jeu sur Lulu, mais vous pourrez pas y jouer parce qu'il vous faut aussi acheter les autres trucs ailleurs parce que Lulu ne permet pas de le faire. Alors je cite Lulu, mais grosso modo, l'impression à la demande, ça permet de sortir un bouquin, et c'est à peu près tout. Si vous voulez des cartes, ça va pas marcher. Si vous voulez des jetons, ça va pas marcher. Et j'avais des idées, j'avais envie de créer des trucs, et je me disais, bah en fait je me bloquais, donc j'étais obligé de modifier des trucs dans mon jeu pour que ça colle. Et j'ai eu la même démarche avec le crowdfunding, où on peut faire peut-être plus de choses, mais je me rendais compte que pour voir à quoi ressemblait mon jeu, il fallait vraiment que je me projette en me disant. En envisageant tous les cas de figure et en me disant bon bah si je fais un jeu par Lulu à quoi ça ressemblera? Et je l'ai créé jusqu'au bout en me disant si je le fais en impression à la demande il ressemblera à ça et à la fin je me disais mais ça me plaît pas ça. Après je suis parti sur la même sur le crowdfunding où là c'est pareil tu peux enfin. C'est assez casse-gueule si tu dis, tiens, je vais créer un jeu qui ressemble à. Je sais pas encore à trop à quoi ça va ressembler, je mets un prix fictif. Et si tu te plantes, tu risques de l'avoir dans l'os. Donc, tu es obligé pratiquement de finir ton jeu pour savoir réellement combien ça va coûter, combien tu vas en demander. Et je me rendais compte que je me bloquais aussi avec cette voie-là. J'avais vraiment ce discours de Romaric en disant, mais si vous passez par un éditeur, vous allez avoir des contraintes. Et je me disais, mais là, je passe pas par un éditeur, mais je me tape quand même des contraintes. Le jeu que je veux faire, j'y arrive pas. Et la révélation, ça a été quand un petit gars qui s'appelle Thomas Munier a dit, ben, moi, je fais mon bouquin en version artisanale. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je me le tape tout seul. Et c'est arrivé en même temps que j'étais en train de me faire un prototype du jeu, parce que j'avais envie à un moment d'arrêter de le lire sur un écran, mon jeu, j'avais envie de le manipuler, quoi. Et j'ai commencé à faire un proto, et je me suis fait plaisir sur le proto, en faisant des trucs où j'ai commencé à me dire. C'est peut-être pas faisable sur Lulu, c'est peut-être pas. Mais je m'en fous, j'ai envie de faire un truc à moi, mon jeu à moi, voilà ce que j'ai vraiment envie de faire. Et je me suis dit, mais en fait, faut que je le fasse tout seul, en fait. J'ai pas d'autre choix. Et c'est comme ça que je suis arrivé à. Parce que je voulais garder toute ma liberté de création. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Si. Merci. Bah, pour Merci. apporter de l'eau à ton moulin, là, j'ai un de mes jeux, c'est J'appelle des faubourgs, où il faut un plateau et puis des pions. Et bah, il est en vente sur Lulu, mais c'est vrai que si tu l'achètes sur Lulu, t'es obligé de télécharger à côté de ça, t'es obligé d'aller sur mon site, télécharger le plateau, télécharger les pions, et puis les imprimer et puis les découper toi-même. Tandis que si tu le prends en artisanal, eh bien tu peux récupérer, enfin le livre artisanal. Je fabrique un livre avec qui est dans une enveloppe et il est fourni avec le plateau et puis les pions, quoi. Ou un jeu comme un autre de mes jeux qui est Marin de Bretagne, c'est pareil. Marin de Bretagne, il y a des cartes bon, qui sont pas tout à fait indispensables au jeu, et puis de même qui sont fournies en PDF que tu peux télécharger. Mais bon, si tu achètes c'est quand même une des raisons pour laquelle que le jeu Marin de Bretagne, il est dispo uniquement en artisanal. Je le vends pas sur Lulu. Parce que du coup, en artisanal, tu vas l'avoir avec les cartes qui sont quand même, pour moi, 50% du jeu, quoi. Oui. Alors, il me semble, Laurie, que tu avais prévu de justement la mise en œuvre de ce projet, hein, de faire sacrifice en version artisanale. Tu as prévu de décrire ça plus en détail dans la deuxième partie, hein. Je sais pas trop comment s'organiser. J'avais En deuxième partie, j'ai peut-être un autre sujet, donc si tu permets, je vais juste dire concrètement Ouais, bah oui, les éléments du si jeu t'as pour trouvé un deuxième sujet pour la deuxième partie, bah je te laisse finir effectivement sur la mise en œuvre. Alors en fait, avant Sacrifice, il y avait un premier jeu, Neugordien, et que j'ai abandonné pour enfin abandonné, que j'ai stoppé momentanément pour deux raisons. Première, il y avait un chapitre que je n'arrivais pas à écrire. Et je me suis dit, j'ai pas assez d'expérience pour écrire, pour me faire comprendre, pour arriver à transmettre des règles simplement. Donc j'avais mis en stand-by. Et je me suis rendu compte aussi que si j'avais stoppé, c'est parce que j'avais plein d'idées de formes, de bouquins, et qu'elles étaient pas réalisables et que ça me frustrait sans arrêt de me dire, bah merde, j'ai des bonnes idées, mais c'est de l'utopie et tout ça. Et par exemple, très concrètement, Neugordien, c'est donc une adaptation de Doug Weinhard pour d'autres univers. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que je dois écrire des règles génériques, entre guillemets, parce que qui s'appliquent à plusieurs univers, mais avec un thème fort, qui lui et faire des annexes à la fin sur bah, vous pouvez jouer dans tel univers, tel univers, tel univers, et voilà ce que ça changerait. Parce que Baker fait un tout petit peu à la fin de son Dogs, en fait, il donne des idées d'autres univers où c'est jouable. Et puis après, je m'étais dit, en fait, il faudrait que je fasse un classeur avec que tu puisses ouvrir et juste changer les pages. Les pages qui sont spécifiques à un univers. C'est-à-dire que toutes les parties qui expliquent les règles qui sont communes à tous les univers, ce seraient des pages blanches. Et quand tu crées ton perso, où là c'est plus spécifique à un univers, tu auras une page bleue par exemple. Si tu changes d'univers, bah, la page 5 qui est bleue, tu ouvres ton classeur, tu changes, tu mets la page 5 de l'autre univers. Et tu viens de modifier ton bouquin en fait. Tu viens de l'adapter à ton univers et tu aurais toujours qu'un seul bouquin. Donc ça, c'était des idées. Avec Lulu, c'est juste pas possible, quoi. Je pense aussi à des jeux avec des échelles ou des pions, mais des échelles avec des curseurs. Donc Sacrifice utilise des échelles avec des cartes qui servent de curseurs. Je pense forcément aussi à des trucs comme Wushu avec un truc qui progresse, ou à Zombie Cinéma aussi, où il y a un risque qui progresse. Et je me dis, ça peut être des échelles cartonnées avec un curseur qui sont vendues en plus et pas dans un bouquin. Donc ça, c'est des éléments qui me frustraient. Et sacrifice, en fait, c'est quand j'ai fait mon proto avec les cartes, je me suis dit, mais les gens, je peux pas les inviter à venir télécharger sous forme papier des cartes pourraves, alors que moi, mon proto, j'ai des cartes cartonnées, plastifiées, et ça change vraiment tout. C'est ça qu'il faut que je vende. Le jeu, c'est ça, en fait. C'est pas juste le texte qui est écrit sur la carte. Et j'ai commencé à regarder dans le commerce si je pouvais le faire moi-même. Et j'avais trouvé un site qui vendait que des produits faits à partir de trucs recyclés. Donc du papier recyclé, des plastiques recyclés. Je me suis dit, ça aussi, j'ai envie de le faire. Le problème, c'est que c'est un site qui est réservé qu'aux professionnels. J'ai un peu laissé tomber. Mais c'était des idées que j'avais envie de faire, quoi. Que tu as des questions par rapport à ça? Bah, du coup, je voulais savoir où t'en es dans la mise en œuvre, quoi. Est-ce que t'as fait quoi? T'as fait un proto pour le moment? Alors, pour sacrifice, maintenant, je sais très exactement la forme qu'il a. C'est pour ça que je sais que je le publierai en artisanal. Je ferai chacun des exemplaires parce que je sais à quoi il ressemble. Pour Nogordien, j'ai pas réfléchi, mais je sais que je ne briderai pas ma créativité à cause d'une contrainte. Et s'il faut que je le fasse en artisanal, je le ferai en artisanal, ce qui est très certainement ce qui va arriver. À moins que le sacrifice soit une très mauvaise expérience. Mais sinon, oui, je ferai pareil aussi pour l'autre. Bah d'abord, moi je dois quand même souligner que je suis très content de voir que l'idée de faire du jeu de rôle en livre artisanal est s'aimer un peu comme ça. Moi je sais que personnellement l'idée elle m'est venue à cause du jeu de plateau artisanal. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs indépendants de jeux de plateau que j'avais rencontrés qui fabriquent eux-mêmes chaque exemplaire de leur jeu, quoi. Et j'avais trouvé ça assez frappant, c'est ça qui m'avait guidé vers le livre artisanal. De même qu'il y a des créateurs de jeux plateau indépendants qui te vendent des jeux de plateau en PDF hein, ou qui te les vendent, ou enfin que tu peux trouver sur Internet. Hein, la plupart du temps, ils sont plutôt en libre téléchargement. Et en fait, charge à toi de fabriquer toi-même le jeu, quoi. J'ai fini, si vous... D'accord. Ben, sauf s'il y a des questions supplémentaires, du coup je vais embrayer sur mon expérience personnelle. Donc l'idée c'est de vous expliquer un petit peu bah, moi comment j'ai abordé les prismes de l'indépendance, du do it yourself et puis de l'artisanat quoi. En fait, je crois que les trois, c'est on va dire c'est je pense c'est en quelque sorte bon des fois je peux sur mon blog, je peux avoir l'impression de vendre ça comme quelque chose qu'il faudrait essayer et tout, mais je pense que c'est une question d'ADN en quelque sorte. Je pense que en ce qui me concerne, finalement, ça doit être c'est dans mon ADN, c'est ces trois choses-là. Je vous explique. Moi, je sais que j'écris des fictions et puis je crée des jeux à grosso modo depuis que j'ai eu l'âge de 5 ou 6 ans, quoi. Donc j'ai commencé principalement avec ce que j'appelais des journaux. En fait, c'était tout simplement des cahiers d'écoliers sur lesquels je rajoutais au kilomètre bah, des dessins, des bandes dessinées, des jeux type... vous savez, les jeux qu'on trouve dans les journaux... ou les magazines d'été, quoi. Hein. Donc, il y avait des labyrinthes, notamment... des choses comme ça quoi. Et donc bah en fait c'est je pense c'est peut-être lié au fait à mon âge aussi hein, c'est-à-dire que bah quand j'étais jeune il y avait tout simplement pas d'ordinateur domestique hein, donc on faisait tout à la main quoi hein, donc c'était vraiment tout sur papier quoi. Et le fait de faire des choses dans des cahiers, c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant très longtemps. Quand j'ai commencé à écrire du roman vers 16 ans, j'ai continué à écrire à la main. Au bout d'un moment, je me suis formé à taper sur l'ordinateur vers 18 ans pour fournir des manuscrits qui soient lisibles par d'autres, quoi. Mais j'ai continué encore très longtemps, pendant plusieurs années, à écrire à la main les premiers jets. Bon, pareil, les jeux de société, quand j'étais petit, on a fait plein de figurines et de jeux de plateau en carton maison, quoi. Hein, donc, quand j'étais en école primaire au collège. Alors, vers 18 ans, il a apparu pour moi ce qui était à l'époque ce qui était le plus important pour moi, c'était l'écriture de romans, quoi. Tout ce qui était jeu de rôle, c'était vraiment du loisir, quoi, même si en fait j'étais très créatif dans ce domaine-là aussi. Et donc pour le roman. À cette époque-là, hein, donc dans les années, tout début des années 2000, un écrivain, c'était quelqu'un qui se faisait éditer, quoi. Il n'y avait pas de modèle alternatif, ou du moins pas à ma connaissance, quoi. Et donc j'ai fait comme les copains, quoi. J'ai démarché des éditeurs, quoi. Et clairement, ça s'est soldé par toute une série d'échecs. Bon, il y a une petite nuance, mais je vais pas y revenir là parce que ce serait un peu hors sujet, quoi. Et finalement, de cette difficulté à me faire éditer, quoi. Bon, c'était violent, hein, parce que par exemple, les éditeurs te répondaient pas, quoi. Ils t'avaient même pas de lettre de refus, ou alors t'en avais une un an, 2 ans après, quoi, avoir envoyé un manuscrit, quoi. Alors bon, il y avait plusieurs raisons, notamment que j'avais fait un mauvais choix d'éditeur, quoi. J'aurais dû m'orienter vers des petits éditeurs, je m'étais orienté vers des grands, mais en réalité, c'était très très difficile de connaître les petits éditeurs, quoi. Bon, il y avait déjà Internet à l'époque, mais bon, il fallait vraiment être bien bien renseigné, quoi. Et en fait, de cette difficulté d'accès à l'édition, c'est quelque chose qui m'a fait tout d'abord complètement abandonner l'idée d'être publié, parce que j'ai continué à écrire pendant des années, hein, jusqu'en 2011, en me disant que de toute façon, bah, je serais jamais publié, que je serais condamné à en faire une activité de loisir, quoi. Bon, alors on peut toujours me répondre que pour se faire éditer, il y a une solution qui est assez simple, c'est de fréquenter un maximum de salons littéraires et de faire la connaissance physique d'éditeurs, et c'est ce qui marche en fait. C'est ce que je conseille à ceux pour qui l'édition est quelque chose d'important. Faites des festivals, faites des rencontres, et à mon avis, c'est comme ça que vous trouverez non seulement un éditeur, mais aussi le bon éditeur, quoi, celui qui vous correspond et qui sera un partenaire idéal. Mais moi, en ce qui me concerne, en fait, j'ai réalisé que quelque part mon échec à trouver un éditeur venait plutôt du fait que c'était pas fait pour moi, quoi. Et donc là, ça fait 2 ans que. Bon, en plus après, y a eu l'impression à la demande, des choses qui ont rendu l'auto-édition très facile. Donc c'était devenu tellement facile que j'ai sauté le pas. Et là, ça fait 2 ans que j'auto-édite. Et clairement, je reviendrai pas là-dessus. Pour la petite anecdote. J'ai comment il se trouve que il y a une personne qui m'a recommandé un éditeur pour un de mes bouquins pour un de mes romans il y a 1 ou 2 ans, parce que mes romans autopubliés se vendent pas en fait. Non seulement ils se vendent pas, mais je pense qu'ils sont pas lus parce que j'ai du mal à communiquer dessus, hein, dans le sens où pour moi, c'est facile de communiquer sur le jeu de rôle parce qu'il y a toujours un truc à dire, une aide de jeu à sortir, un compte-rendu de partie à faire, on peut faire des démos en convention. Donc j'ai la communication très facile autour du jeu de rôle, autour du roman. Pour moi, ça m'est plus difficile. Et donc du coup, le fait que je me suis contenté de publier mes romans sans faire de pub ou de faire de rappel, et même d'ailleurs sans même les envoyer à quelconque livre, comment quelconque revue critique. Fait qu'ils se vendent pas. Et du coup, un petit peu entre guillemets en désespoir de cause, quand une personne m'a indiqué un éditeur qui pourrait être intéressé par mon travail, j'ai envoyé un de mes romans hors de la chaire. Et l'éditeur m'a dit, donc là c'était très récent, hein, c'est fin 2013, quoi. L'éditeur m'a dit, bah c'est ok, on le publie. Et puis, donc j'accepte, hein, je vais jusqu'à signer un contrat, donc début 2014, et en fait, à partir du moment où je signe le contrat, je me sens mais très très mal, quoi. Déjà parce que c'est vraiment pas le travail de l'éditeur en question qui est en cause, hein. Je vais pas le citer parce que je vais pas lui faire de la mauvaise publicité, non, il ne mérite pas parce que, au contraire, je pense qu'ils ont été très, ils ont été très pro avec moi. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu en me disant, ça y est, tu vas être édité. En fait, j'ai eu l'impression vraiment de me trahir personnellement. Bon, puis quelque part, je pense aussi que j'ai eu l'impression de trahir, trahir les lecteurs d'Outsider dans le sens où, ça faisait quand même un an et demi que je vantais l'indépendance sur Outsider, et puis là j'allais me faire éditer quoi. Alors j'ai pas mal réfléchi, je me suis dit oui, mais de toute façon, il y a un moment où quand on est écrivain ou auteur, si on est trop productif, c'est pas possible de faire une communication efficace sur tous ces ouvrages. La preuve, c'est que moi j'arrive à communiquer sur le jeu de rôle, pas sur le roman ou sur la poésie, les autres textes que j'ai pu faire. J'arrive pas à les vendre tout simplement parce qu'il faudrait du temps que j'ai pas, quoi. Donc ça fait partie des excuses que je me suis trouvées. L'autre était de dire que, après tout, partant du principe que les éditeurs, c'est pas non plus Satan en personne, quoi. C'est juste que effectivement, on délègue une partie de sa liberté créatrice. Mais bon, à partir du, enfin là, par exemple, cet éditeur-là, mon bouquin, il était déjà écrit. Et les mecs, ils n'avaient pas changé une phrase du texte. Donc, il y avait eu un respect intégral de mon œuvre par l'éditeur quoi hein. La seule chose qui avait changé c'est qu'ils voulaient faire une couverture eux-mêmes quoi mais en fait clairement à ce moment-là c'est mes tripes qui ont parlé et j'ai compris que en fait je pouvais pas ça fait partie de mon identité créatrice de sortir mes bouquins moi-même quoi c'est C'est un rapport très intime à l'écriture, quoi, qui fait que je peux tout simplement pas fonctionner avec un éditeur. Quelle que soit la compétence, la compréhension de la personne, quelle que soit la liberté créatrice qu'elle puisse me donner, hein, puisque là, la liberté créatrice a été vraiment grande, quoi. Bah, je me rends compte que je suis prêt à faire beaucoup de sacrifices, notamment le fait de pas être en boutique, de pas être en librairie. Pour continuer à diffuser mon travail moi-même, quoi. Alors des fois je me dis ouais mais bon c'est déjà difficile de bien communiquer sur tes bouquins alors que tu n'en as que 10 à ton catalogue. Qu'est-ce qui se passera quand on aura 20, 30 ou 40? Mais en fait je sais que ça va pas changer grand-chose, quoi. Et donc le dernier point là-dessus, c'est le truc que j'ai un peu perdu en passant à l'impression à la demande, finalement, c'est aussi le fait que j'ai perdu ce côté fanzina, quoi. C'est-à-dire qu'avant, tout ce que je faisais, c'était dans des cahiers ou dans des trucs imprimés, agrafés à la main, enfin, fait main, quoi. Bon, c'était pas forcément, je cherchais pas forcément à faire quelque chose de joli dans le sens où j'avais pas dans l'idée de dupliquer ou de le vendre, mais c'était quand même fait main, quoi. Et le fait de passer en impression à la demande, j'ai perdu ce côté personnel. Et finalement, ça m'a fait, à terme, ça m'a fait presque la même impression que quand j'ai failli prendre un éditeur, quoi. Oui, donc j'explique, hein, concernant l'éditeur, j'ai signé le contrat, mais en accord avec lui, je me suis rétracté. Donc le livre ne sortira pas en librairie, il ne sera pas édité. Et j'avais un vieux fantasme, c'était que quelqu'un fasse des livres artisanaux, que je trouve un éditeur qui fasse du livre artisanal et qui en fait sorte mes bouquins en livre artisanal, notamment mes bouquins de poésie. Et puis évidemment, cette rencontre-là n'est jamais arrivée. Enfin, j'ai rencontré des fois des éditeurs artisanaux qui faisaient des trucs magnifiques, notamment en poésie, ce que j'appelle des artbooks, c'est-à-dire des livres de poésie avec le texte sur une page et puis Et puis une peinture sur l'autre, hein, généralement peinture unique, hein, c'est-à-dire que la peinture n'était pas imprimée, hein, elle était vraiment peinte sur chaque exemplaire, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me fascinait, quoi. Mais sauf que ces éditeurs-là, à l'époque, j'ai pas réussi à les convaincre de publier mes textes. Et puis après, je me suis dit, ouais, quand tu auras plus de temps, tu trouveras, je sais pas, un imprimeur artisanal, et puis tu lui feras des commandes. Mais en fait, la vérité, c'est que des imprimeurs artisanaux, ça existe tout simplement pas. Enfin, c'est ultra rare, quoi. J'ai fait des recherches dans mon département, j'ai trouvé personne, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je pense que c'était à force de parler sur Outsider, de faire les choses par soi-même. Au début, je pensais surtout écrire par soi-même et puis auto-éditer par soi-même. Je me suis dit, bah, pourquoi t'essayerais pas toi-même de faire du livre artisanal, quoi? Et c'est vraiment une idée qui a mis du temps à faire son chemin, parce que déjà le modèle n'existait quasiment pas. Enfin, il existe en littérature, hein, les livres artisanaux ou la livre artisanale, ça existe quand même beaucoup dans la poésie notamment, hein. Après, c'était souvent fait par un tiers, mais des fois c'est aussi fait par l'auteur lui-même. Mais en jeu de rôle, c'est juste. Ça existe quasiment pas, ou plutôt on appelle ça du fanzine, donc c'était dédié à des productions d'une quarantaine de pages, quoi. Moi, j'étais fasciné par les fanzines parce que quelque part, ce que j'ai fait depuis que j'ai 6 ans, c'était du fanzina, quoi. Alors, sauf que c'était des fanzines tirés à un exemplaire, si on veut bien, quoi. Mais le fait que je les prêtais, que je les faisais lire par ma famille, par mes amis, quelque part faisait que c'était quand même un fanzine. Et j'ai eu une autre révélation, c'est la lecture d'un bouquin qui s'appelle Fanzine, la révolution du do-it-yourself par Till Trigg. Je mettrai la référence sur les liens du podcast. C'est un gros bouquin avec plein de photos des fanzines punk des années 80, suivi des fanzines du mouvement Riot Girl des années 80, 90, et puis également des fanzines, hein, des webzines des années 90, 2000, quoi. Avec une liberté graphique complètement hallucinante, quoi. Un non-respect de la typographie, des trucs à base de collage, bah, complètement artisanaux, quoi. C'est vraiment une esthétique qui m'a fasciné. Et un jour, en fait, un petit peu par défi, je me suis créé mon propre fanzine qui s'appelait Putrid. C'était un fanzine consacré à Milvaux, où j'ai fait des collages, des photomontages en fait, hein, donc tout est maquetté en photomontage. C'est complètement dingue. Alors malheureusement, vous pouvez pas lire Putrid, hein, pour le moment, parce que là, j'ai retiré de la diffusion, il est en gestation, il va ressortir, il va connaître une nouvelle vie, il va ressortir en livre artisanal. Mais voir, ça restait du dématérialisé, quoi, c'était du PDF, quoi. Alors après, j'ai maquetté pareil, mais à mille voix sombres, et maquetté de la même façon, avec des collages, avec un maquettage complètement dingue. Alors, vous pouvez trouver un aperçu sur Outsider. Je peux aussi vous annoncer que assez prochainement, enfin dans le courant de l'année, vous pourrez trouver le PDF de mille voix sombres en libre téléchargement. Donc vous pourrez voir un petit peu mon travail de photomontage. Et en fait, l'étape naturelle après, c'était de tenter de fabriquer un livre moi-même. Alors j'ai commencé vraiment. J'avais trouvé sur internet un modèle de reliure qui s'appelle la reliure japonaise, qui est en fait un type de reliure qui est très simple, hein. C'est un seul fil, en fait, on creuse trois. On n'imprime pas en feuillet, parce que la reliure en feuillet, je trouve ça plus technique. On imprime des feuilles. En fait, les feuillets, c'est deux pages qui restent associées entre elles. Là, c'est juste des feuilles isolées, quoi, comme on mettrait des feuilles dans un classeur, quoi. On fait trois trous et puis avec un seul fil, on crée une reliure, quoi. J'ai commencé par dépiauter un de mes livres qui était en impression à la demande. C'était Glossos, donc un petit bouquin. Et puis j'ai fait une reliure japonaise comme ça. Ça faisait déjà, je crois, 1 an ou 2 ans que j'avais mis ça. Donc un jour peut-être. Puis un jour, je me suis dit, allez, vas-y, je le fais, quoi. Et ça m'a pris 3-4 heures, alors que c'était vraiment très rudimentaire. Mais la fierté d'avoir un bouquin fait, même si c'était un bouquin en impression à la demande, j'avais juste dépiauté puis recousu, quoi. J'ai eu une telle fierté, puis ça m'a tellement projeté en arrière, justement vers ce passé où je faisais quand j'avais 5-6 ans, que je faisais mes propres cahiers, que je me suis dit, bah voilà, il faut faire ça. Et donc c'est depuis, hein, que je propose. Bah maintenant, aujourd'hui, tout mon catalogue est dispo en livre artisanal, c'est-à-dire que les gens peuvent soit peuvent télécharger mes bouquins, ils peuvent aussi les acheter en l'impression à la demande sur Lulu, ou enfin ils peuvent me les commander en livre artisanal. Et l'intérêt de ça, c'est que c'est vraiment un rapport différent à la création, quoi. C'est vraiment encore une autre dimension, c'est un rapport avec le public qui est différent, et c'est surtout ça ouvre des portes de créativité qui sont énormes. Notamment, ça m'a permis d'expérimenter le prix libre, qui est vraiment une révélation pour moi, quelque chose que je peux pas du tout faire en impression à la demande. En impression à la demande, je suis obligé de fixer un prix. Ça nourrit vraiment mes réflexions. Alors c'est souvent du boulot, hein, faire un livre artisanal, c'est des investissements. Il faut que j'achète une imprimante, une grosse imprimante, faut que j'achète de l'encre, hein, ça coûte cher, quoi. Ça coûte quand même plus cher à l'unité qu'un livre imprimé, hein, par Lulu, quoi. Ça coûte du temps, hein, puisque fabriquer un livre artisanal aujourd'hui, moi, ça me prend 2 heures par livre à peu près, quoi. Moins pour les plus petits livres, des fois plus si je suis vraiment. Mais le fait de faire un exemplaire unique à chaque fois, de créer un rapport qui est absolument unique avec le lecteur qui achète un livre artisanal, ou si des fois de pouvoir répondre à des commandes. Par exemple, il y a Jérôme Schultz qui me commande un Influenza, puis il me dit, tu peux faire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre de savoir que le bouquin a traîné dans la boue. Et du coup, quand il m'a dit ça, j'ai pris ça pour un défi. Et donc, j'ai fabriqué le bouquin et je suis allé chercher de la bouillasse et des feuilles, parce que Influenza, c'est sur le thème de la forêt. Je vais chercher de la bouillasse et des feuilles dehors et j'ai crépi le bouquin. Alors, il a reçu un bouquin sans doute immonde. Mais c'était vraiment une expérience vraiment super quoi. J'étais très, je crois que c'est le bouquin que j'ai fait, le bouquin artisanal pour lequel je suis le plus fier quoi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir aussi son travail progresser, de faire toujours des choses uniques. C'est vraiment libérateur et d'ailleurs je suis vraiment content quand je vois que Laurie va se lancer dans l'aventure aussi. Je suis content de voir que cette idée SM, moi je trouve que ça peut être un vrai nouveau courant, notamment pour le jeu de rôle indépendant. Alors, je sais pas si vous avez des questions, sur tout ça. Alors Thomas, moi j'ai juste une remarque par rapport à ce que tu viens de dire et à ce qu'a dit Laurie tout à l'heure, c'est que je me rends compte que là, en tant qu'auteur de jeux de rôle, enfin, vous avez un contenu à produire, mais ça n'enlève pas l'importance de l'objet enfin, dans le jeu de rôle, enfin, de l'aspect complètement très concret du livre, bah, des cartes, des plateaux, etc. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours quand on pense à créer un jeu de rôle. Bon, là, j'ai une idée qui est dans ma tête, bon, dans un tout petit coin de ma tête, et je ne sais pas quand ça va se concrétiser, mais j'aimerais bien expérimenter un jeu de rôle sur le textile. Et là, quand je vous entends parler, je me rends compte que l'aspect objet est aussi essentiel que le contenu. Et c'est assez intéressant. Ouais. Il y a Romaric Briand qui a sorti un podcast, parce que c'est lui, s'appelle L'Emballage, où justement ils réfléchissent sur le rapport entre le jeu de rôle et l'emballage. Alors j'ai ma petite réflexion personnelle sur le sujet, c'est que le jeu de rôle, c'est vraiment particulier. C'est un jeu de société qui est particulier, dans le sens où il est narratif. Le jeu de société, on se dit bah un jeu de société, c'est forcément du matériel, quoi. Tu conçois pas un jeu de société qui soit complètement immatériel. Bon, encore que finalement, maintenant, quand on voit que les jeux de société à succès sont tous transposés sous forme informatique, sous forme de jeux vidéo, quoi. On peut jouer à Agricola, par exemple, ou à Carcassonne sur Internet, quoi. Déjà, ça remet en cause cette question, ce principe selon lequel le jeu de société est forcément matériel. Mais ce que je veux dire au sujet du jeu de rôle, un jeu de rôle, tu peux concevoir un jeu de rôle qui serait absolument immatériel. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai créé une version d'Inforenza qui s'appelle Inforenza a cappella, où il n'y a absolument aucun matériel. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de crayon. Tout se fait à la voix, en fait. Et les règles étant assez simples, je pourrais presque envisager aussi de le faire immatériel au point où les règles pourraient être sur un tutoriel, tout simplement sur un MP3, quoi, hein, sous forme de podcast, ou alors envisager ce que je vais faire d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais. Comme les règles sont relativement simples, je peux je le faire en démo en convention, avoir une transmission du jeu qui soit complètement orale, quoi. Et des fois je me dis que le. Le jeu de rôle est matérialisé soit parce qu'il est complexe, dans le sens où souvent une base de jeu de rôle c'est 300 pages et tout, et donc on le matérialise parce que il faut du texte, pour vraiment comprendre comment fonctionne le jeu, il faut 300 pages à lire. Ça, c'était une idée qui a été battue en brèche par les Nano Games, parce qu'on peut faire en fait un jeu qui tient en une page. Donc s'il tient en une page, il peut tenir en un podcast, il peut tenir en une transmission orale. L'autre aspect qui explique pourquoi le jeu de rôle est matériel, hein, pourquoi il y a des bouquins, mais aussi des écrans, des pions, je pense qu'il est éditorial. Dans le sens où, en fait, les auteurs et les éditeurs de jeux de rôle, s'ils veulent, entre guillemets, toucher une rémunération de leur création, le plus simple, c'est de tout simplement de produire un objet. Et en fait, le jeu de rôle, aujourd'hui, majoritairement, il est designé dans l'idée qui va avoir des composantes matérielles. C'est d'autant plus flagrant avec aujourd'hui le financement participatif, le crowdfunding, où en fait on arrive à lever des sommes très importantes sur des jeux en vendant du matériel. Et je me rends compte d'une chose, par exemple, c'est que on va voir se multiplier les cartes, les jeux, alors les cartes, je pense cartes à jouer, mais aussi cartes du monde. On va se multiplier de tout ce qui est cartes, cartes à jouer, jetons, dépersonnalisés. Écran. Alors on voit à 7ème Cercle ils y vont fort hein, parce qu'ils font des écrans qui sont en carton, béton, enfin je sais pas quoi, des écrans qui font 5 mm d'épaisseur quoi. Et en fait, c'est pour moi, c'est une orientation éditoriale qui est de pour avoir un revenu de l'activité jeu de rôle, on va vendre du matériel et pour pouvoir vendre du matériel, on va designer nos jeux pour qu'ils ne puissent pas se passer le matériel. Notamment, je prends un jeu comme Légende de la Garde. C'est très difficile d'y jouer si on n'a pas les cartes qui ont été fournies dans le crowdfunding, qui sont des aides de jeu, quoi. Et en fait, on crée des jeux qui sont très difficiles à jouer si on n'a pas les aides de jeu. C'est possible, mais il faut vraiment, en fait, il faut se faire ses propres aides de jeu, ou alors il faut avoir une excellente mémoire de règles. Alors, et le troisième aspect qui explique pourquoi le jeu de rôle nécessite du matériel, c'est le fait que c'est un jeu narratif. Et donc, c'est un jeu qui joue sur l'inspiration et sur l'émotion. Et on aura beau dire, en tant qu'être humain, on met des émotions sur les objets. Pour nous, les objets sont jamais neutres. Un objet, c'est juste une émotion qui est matérielle. Et quelque part, le fait de, par exemple, de découvrir un jeu de rôle, un livre artisanal, ou d'utiliser du matériel tel que des cartes, des jetons, ou d'avoir des supports tels que des images, des écrans, ça participe à l'expérience émotionnelle qu'on recherche quand on fait du jeu de rôle. Et moi, personnellement, je suis un minimaliste, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a cherché à se désencombrer au maximum, à essayer de. Je vis pas une vie sans objet, mais une vie avec moins d'objets. Et quelque part, c'est cet aspect émotionnel, par contre, que je suis obligé de reconnaître. Et c'est le dernier aspect qui me fait, entre guillemets, tolérer que le jeu de rôle, qu'il y ait une certaine attachement, à l'objet et au matériel dans le jeu de rôle. Thomas, Oui? je vais avoir deux remarques si tu permets. Bien sûr. Première pour Alice. Il y a le jeu, je crois, romance érotique, qui se joue où on attache des rubans à son partenaire sur différentes parties du corps. Et je pense à ça sur ton idée de jeu de rôle sur la couture où. Les rubans peuvent, enfin, vont faire partie du jeu, en fait. En tout cas, dans Romance érotique, ça fait partie du jeu, et je crois qu'il y a il y a des versions de jeu où les rubans sont fournis. Tu en sais peut-être plus que moi là-dessus, Thomas? Oui, tout à fait. Il y a une version collector avec le jeu joue avec des rubans et avec des billes. Hein. C'est dire l'aspect matériel de ce jeu-là, romance érotique. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, effectivement, sur l'aspect émotionnel des objets, Moi, je sais que les dés, c'est des objets qui sont où j'attache beaucoup d'émotions. J'ai mes dés. Je ne suis pas dans le fétichisme, mais je dois pas en être bien loin. Et je sais que quand il y a des jeux qui sont sortis sur tablette, où on pouvait faire lancer les dés sur tablette, et pour moi, c'était pas pareil. On a fait une partie, j'ai fait plusieurs parties sur table virtuelle où on utilise le logiciel qui lance les dés à notre place. Alors, ça peut être pratique parce que si on est sur table virtuelle, tout le monde voit le résultat et on sait qu'on triche pas. Mais je sais que moi, quand j'ai joué à ces jeux-là, je lançais les dés sur ma table en même temps. Il y avait un. La règle te dit tu lances les dés, elle te dit pas tu cliques sur le bouton, quoi. Et pour moi, il fallait que je fasse l'acte de lancer les dés sur ma table. Et d'où le marché d'ailleurs de dés personnalisés Ouais. Et pour qui se revenir porte très bien, quoi. sur ce côté émotionnel, des plus jeunes qui ont eux tout de suite connu les tables virtuelles ou sur iPad ou autre chose, bah eux ils sont attachés à leur petit logiciel qui lance les dés. Parce que c'est leur tablette C'est parce et que voilà, en tant qu'être humain, on projette nos émotions sur les êtres, sur les choses, voilà. et on a tous un rapport à la matérialité qui nous est personnel, quoi. Et eux, ils n'ont jamais lancé les dés, ils ne sont pas attachés. La plupart du temps, ils viennent, ils n'ont pas de dés. Donc, ils piquent les dés des autres s'il faut vraiment lancer un dé, parce que tu ne veux pas qu'il utilise sa tablette ou son truc. Mais lui, c'est sa tablette, c'est son lancer de dés, c'est ça qu'il aime. Et il est attaché à ça, en fait. Donc, ouais, c'est. De même qu'il y a la feuille de perso. Moi j'ai connu ouais, la feuille de perso, t'y tiens, elle a du vécu, elle a des taches de cire, de chocolat, de tout ce que tu veux dessus. Elle est dégueulasse, elle est griffouillée, il y a des notes que tu n'arrives pas à lire. C'est ta feuille de perso. Et pour d'autres, bah, la feuille de perso, il faut qu'elle soit en PDF ou un truc PDF modifiable que tu coches, que tu. Ils ont leur propre, effectivement, leur propre émotion. Voilà, c'était ma remarque là-dessus. Alors, Laurie, Oui. par rapport au lancer de dés que tu évoquais tout à l'heure avec les dés matériels et les dés virtuels, moi ça me fait penser à mes propres parties de jeux de rôle que je fais. Ça rejoint l'aspect très très concret du jeu de rôle où en fait on est tous autour d'une table et il y a plein de gestes qui accompagnent le jeu. Et du coup, voir les jeunes qui sont attachés à leur tablette ou à la feuille virtuelle de personnage, je me dis que eux, ils ont leurs propres gestes. On n'a pas les mêmes, mais ils ont leurs propres gestes et ils sont attachés à cela parce qu'ils ont commencé par ça. C'est assez intéressant de voir que même si le jeu de rôle est narratif avant tout, il y a l'aspect très concret du geste et des objets qui Ça accompagnent la narration. reste une expérience sociale aussi. C'est normal qu'il y ait les gestes de. Je sais que sur une partie sur table. Enfin, là, je sais plus qui est. J'ai vu un post sur Google où il y en a un qui disait qu'il faisait que du jeu sur table virtuelle depuis pas mal d'années parce qu'il n'avait plus la possibilité de jouer sur table réelle et que c'était pareil à 90%. Mais il y a des choses qui humaines en fait qui me manqueraient, qui font pas partie du jeu de rôle en soi, j'ai envie de dire. Mais le fait d'être sur la table, le fait d'avoir la pause clope ou la pause bière ou la pause gâteau, je sais que moi je fume pas, mais tous mes potes qui jouaient à l'époque fumaient. Et il y a plusieurs fois où je me suis retrouvé avec une clope dans la bouche. Parce qu'il y avait un mimétisme qui s'opérait. Tu peux mettre un paquet de gâteaux, il peut rester 2 heures sur la table. Quand il y en a un qui va prendre un gâteau, le paquet, il est vide dans la minute qui suit. Parce que tout le monde va en prendre un à ce moment-là. Et c'était pareil pour la Moi, coiffe. généralement, j'en prends 10. Hein. C'était pareil pour la clope. À un moment, tout le monde se mettait à fumer et je me retrouvais avec une clope éteinte. Mais voilà, il y avait un mimétisme qui s'opérait. Je parle même pas des ambiances, bougies, musique et autres, quoi. Mais je pense une dernière chose sur ce rapport à l'immersion au social et puis au matériel, c'est aussi la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ont arrêté ou qui ne tout simplement ne veulent pas essayer le jeu de rôle sur table parce que pour eux le vrai jeu de rôle c'est la soirée en quête ou grandeur nature. Pour eux c'est ça la véritable expérience parce qu'il y a les costumes, il y a les décors et qu'ils peuvent pas se contenter de moins que ça quoi. Oui. Bah, quand Alice parlait des cinq anneaux, effectivement, de mettre une ambiance. Enfin, d'une certaine manière, j'ai l'impression que le jeu de rôle a essayé en mettant des figurines, qu'il a remplacé les costumes, parce que c'est quand même vachement plus compliqué de me filer un costume à chaque joueur, de créer des figurines pour que chaque personnage ait sa figurine et qu'il en ait une représentation visuel un peu plus mais que ça fait partie du truc, quoi. Je crois que c'est à chacun de trouver son rapport avec le matériel. Et aussi, des fois, c'est à chacun aussi de se désencombrer parce qu'il y a un moment où, justement, le matériel, ça devient. Par exemple, quand on parle d'artisanat, c'est souvent aller vers moins d'objets dans le sens où peut-être plus de. Comment? J'avais lu un article là, récemment sur une famille qui s'était construite une maison de 50 mètres carrés, qui arrivait à vivre toute une famille dans 50 mètres carrés. Et puis ils avaient une réflexion, c'était quand il s'agit d'introduire un nouvel objet dans la maison, si ça n'est pas soit très beau, soit très utile, l'objet ne rentre pas. Donc après, c'est à chacun d'avoir sa définition du beau et puis de l'utile. De même qu'il y a des personnes qui s'arrêtent de respirer s'ils ne sont pas dans une pièce entièrement remplie de bibelots et qui portent leur histoire et leur identité, quoi. Est-ce qu'on peut clôturer cette première partie qui, comme d'habitude, nous a pris pas mal de temps, mais bon, c'est toujours comme ça la première partie. Et puis entamer sur les concepts. Laurie, avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi ton nouveau concept de rechange? On va voir dans quel ordre on va le faire passer. C'est sur les jeux en ludo, en ludothèque, et le matériel et des jeux tout type, mais jeux de plateau aussi, qui n'est pas forcément pensé pour les ludos. D'accord. Alors attends, j'essaie de voir dans quel ordre. Mais ça Ouais, va bah je pense plus. qu'on va commencer par toi. Après, on fera Alice qui veut nous parler de l'apprentissage, parce que ça ira bien avec ma partie qui est le do it yourself. Ok. Bon, ça reste quand même très en lien avec ce que tu viens de dire. Ouais, enfin tout est. Avec effectivement le besoin de rajouter du matériel. Alors, je suis pas d'accord sur le mot besoin, mais sur le fait que dans les jeux, on rajoute du matériel pour gonfler un peu le prix et justifier le prix avec ses accessoires supplémentaires. Moi, mon idée au départ, c'était, je suis pas trop sur la frontière jeu de rôle, jeu de plateau, et qu'effectivement, il faut pas hésiter à, s'il est utilisé à bon escient, hein, bien sûr, pas juste si c'est du goodies, mais casser un peu les barrières, les frontières, et aller vers le jeu de plateau. Pas hésiter à aller vers le jeu de plateau, en tout cas pour certains jeux. En ludo, en fait, je commence à mettre un peu les pieds, et j'espère que Peggy écoute et qu'elle mettra un commentaire, j'aimerais bien savoir comment elle le fait. On passe énormément de temps à plastifier le matériel, les cartes. Donc ça, on le fait de manière artisanale. Ça prend du temps, mais